Chapitre 3e, la dernière promenade. Ayant convenu de célébrer leurs noces spirituelles, le soir, avant le coucher du soleil, le prince et la princesse, pour ne déranger en rien leur plaisir habituel, ne prirent que le temps de changer d'habit et montèrent à cheval afin de faire leur promenade du matin. Vêtus d'un habit gris changeant, un couteau de chasse au côté, avec une toque à plumes de héron et des bottes si fines qu'elles semblaient en peau de gant, Orlys avait une grâce parfaite sur son étalon noir, carapaçonné d'or, et si vif qu'à peine sorti des écuries, il jeta le feu et l'écume par les naseaux. Férimonde n'était pas moins charmante, en sa robe couleur de soufre à broderie d'acier, ni moins habile à manier sa jument, dont la robe était blanche comme le lait et les naseaux roses comme l'aurore. Ils s'enfoncèrent en une forêt tapissée de mousse et traversée d'eau chantante. Un jour vert tombait de la voûte des arbres, et l'odeur des cèdres et des pins embaumait. Les oiseaux, dont les ailes de couleur scintillaient au soleil comme des pierreries, saluant la vie, égrenaient des trilles avec leurs gosiers de cristal, tandis qu'on entendait dans les fourrés la plainte rauque et douce, le cri d'amour des tourterelles sauvages, et le prince et la princesse allaient silencieux. Leur rêverie n'était point triste, mais profonde. Il était donc venu, le jour redouté par la prévoyance du vieux mage, le jour sans lendemain. Ah, il le sentait bien. L'approche des barbares n'était qu'une des formes homicides employées par la vie vengeresse. Elle eût pu aussi bien soulever un volcan de lave et de flammes dans l'île et l'anéantir ainsi, ou l'engloutir toute sous les flots. C'est pour cela qu'il ne pensait même pas se défendre, et qu'ayant reconnu les voiles fatidiques, telles les lettres de feu qu'aperçut Balthazar sur la muraille, il s'était résigné à la mort, puisqu'elle apparaissait inévitable. Qu'importait quel mandateur leur signifiait l'arrêt, puisque l'exécution ne dépendait que d'eux-mêmes, et qu'ils pouvaient se faire ainsi que l'avait dit Férimonde, une mort douce, comme un sommeil, et souriante. Allait-il s'affliger de ce qu'elle sonnait si tôt son glas, cette heure suprême? Mais il ne s'était jamais flatté de l'espoir d'un bonheur éternel, et l'immensité des joies qu'ils avaient goûtées était telle qu'elle avait aboli pour eux le temps et l'espace. Le mot duré ne leur présentait qu'un sens vain. Hier, demain, pour eux, c'était toujours aujourd'hui. 10 ans, 10 jours de plus, même chose. Et ne devait-il pas disparaître, bien plus tôt, en pleine splendeur de jeunesse et de beauté, en portant la fleur d'illusion qui se serait flétrie, si un jour, vieillissant, il s'était regardé avec d'autres yeux? Et cependant, quelle que fût leur sérénité, il y avait quelque vaillance naturelle et simple qu'ils acceptassent la fin de leur rêve, ils ne purent éviter qu'un doute ne se levât en eux, faisant retour involontaire vers le passé, mais certes sans regret ni remords, et avec le seul intérêt d'un scrupule tout théorique, ils évoquèrent la vie qu'ils avaient abdiquée et la comparèrent à la douce léthargie qu'ils lui avaient préférée. Cette vie, consacrée au gouvernement d'un empire, eût été active, laborieuse, harassante, toute de devoirs et d'occupations, mais l'eût engendrée des forces utiles, porter des fruits glorieux, et lui créer. Créer, n'était-ce pas le sens de la vie? Et qu'était-il sorti de leur inertie heureuse, mais stérile? Rien. Mais devant la mort qui anéantissait l'œuvre des hommes, que restait-il de la vie la plus féconde et la plus créatrice, des énergies les mieux employées? Rien, dont le temps un jour ne fut maître. Les plus vastes empires avaient croulé dans l'oubli. L'herbe poussait sur leurs ruines, où ils avaient disparu dans le sable. Et combien d'années durait la mémoire d'un homme? Non, ils n'avaient pu se tromper. Ils avaient agi avec sagesse en préférant l'opium du rêve aux fumées de la vie. Émus par le même instinct, relevant en même temps leurs visages penchés et s'interrogeant mutuellement des yeux, d'une même voix et ensemble, tant leurs pensées étaient sœurs, « N'est-ce pas ? » dirent-ils. À ce moment, une voix fraîche et jeune s'éleva dans le bois. Un chanteur invisible sur un air doux et mélancolique auquel l'éloignement prêtait un grand charme, psalmodiait. Beau nuage qui vole, tu t'en vas au pays où j'ai laissé mamie avec la rose en fleurs. Quand tu seras près d'elle, ayant baisé mamie, beau nuage, dis-lui, comme à la rose en fleurs, votre ami est fidèle, qui peine et pleure aussi pour conquérir sa mie avec la rose en fleurs. Car mamie est plus belle, elle est plus douce aussi, là, que toutes les mies et que la rose en fleurs. Qui peut chanter ainsi dans la forêt? demanda la princesse pensive. « Ne serait-ce pas notre page Léoline ?»« Il est poète et j'ai cru reconnaître sa voix. »« Pauvre enfant !» dit Férimonde. Le prince baissa la tête. Que lui, Orlys et sa sœur, eussent élu l'existence qui leur convenait le mieux, ils n'avaient fait qu'user de leur liberté et de leurs droits. Mais n'était-il pas responsable, et coupable peut-être, lui envers les jeunes hommes, elle envers les jeunes filles qui composaient leur cour, tous deux envers les gens de leur suite, serviteurs de toute nature, et les laboureurs et les pêcheurs qu'ils avaient emmenés dans l'île, envers tout ce petit peuple à qui ils avaient communiqué le goût de la vie facile et paresseuse, car la mer et la terre fournissaient les poissons et les épis en telle abondance que les pêcheurs n'avaient que la peine de jeter leurs filets, et les laboureurs de se baisser pour ramasser la moisson. Tous ceux-là, compagnons ou complices enthousiastes, qui avaient à leur suite pris possession de l'île Vierge, que diraient-ils, en apprenant que c'en était fait du printemps éternel, des 12 journées oisives, des banquets sous les feuillages, des rêveries paisibles sous les étoiles? Ne maudiraient-ils pas les auteurs de leur perte? Ne maudiraient-ils pas l'île enchantée et le rêve dont les mirages dissipés les laissaient en face d'une réalité affreuse et inévitable? Et Orlys et Férimonde ressentirent une triste angoisse.